ça, on pense que ça va rester dans les communautés, mais qui dit qu'un jour, puis qui dit que ça se fait pas déjà, que des familles, voyant qu'ils vont avoir une quatrième fille, puis ils s'étaient essayés pour un petit gars, ils vont se dire... Ouais. On se fait avorter, tu sais, puis garde, on n'aura pas de petit gars, écoute, puis la petite fille, la dernière, la quatrième, on la prendra pas. Jean-Nic, amène ça au Canada, là. On s'entend-tu qu'il y en a pour qui c'est un moyen de contraception, l'avortement aussi? Oui, hein? Mais là... Il y en a qui exagèrent. C'est bord ouvert pas mal au Canada avec l'avortement, tu sais, c'est l'autre extrême. Voici les deux sujets, je pense, Jérôme, t'as raison. Voici les deux sujets, je pense, que nous, notre génération, on va peut-être devoir se prononcer parce qu'on va avoir une espèce de maturité, où on va avoir... Ouais. Que le débat, il est récent. Là. C'est depuis 1988 là, que c'est encadré l'avortement. C'est pas rien. C'est, on était tout le monde est tanné. Fait que tu te dis, peut-être qu'une génération va être celui qui va faire la réflexion sur l'avortement sélectif, premièrement. Puis deuxièmement, combien d'avortements l'État peut payer à une fille qui l'utilise exact. Comme moyen de contraception? Exact. Parce que tantôt, je prenais une image, mais j'en connais des filles qui se sont faites avorter 4, 5, 6 fois. Ah, mais il y a quoi là? Ça marche pas, ça. Puis je le comprends pas. Regarde, je l'ai vécu moi aussi, puis regarde, c'est pas nous autres qui se font avorter, mais quand ça arrive, je suis peut-être plus fleur bleue que d'autres, là, mais moi, j'ai pas aimé l'expérience, mais pas pantoute. Il y a rien de le fun là-dedans. Puis matin, tu pars pas en faisant des high-fives, puis tu dis, non. Super, quelle belle journée qui s'en vient, on va se faire avorter. C'est sûr que c'est une journée vraiment dolle. Mais on retombe encore dans le débat jusqu'où un gouvernement doit aller pour les personnes qui manquent de jugement. Hier, on se parlait de cigarettes dans voiture. Tu sais, c'est-tu au gouvernement de gérer ça? Parce que là, il va falloir rentrer dans l'appartement du monde qui manque de jugement. Il va falloir rentrer partout, il va falloir les suivre partout. Là, c'est la même affaire, tu sais. L'avortement, moi, je pense que c'est un acquis. Je pense que c'est une alternative. C'est un choix que tout le monde doit garder dans toutes les circonstances. Mais en même temps, là, on fait-tu une carte, puis qu'on punche, puis que rendu à 4, faut commencer à payer soi-même? Ou encore... commencer à dire, bon, ben l'avortement sélectif, on enlève ça. Regarde, je ne sais pas. Ça me dérange. En même temps, tu sais pourquoi on ne sait pas? Parce que le débat est récent. Ouais. Et je pense qu'il est encore censé, pour une bonne frange de la population, ouais. Regarde, là, juste les conservateurs qui ont ramené l'idée de voir un débat autour du début de la vie de l'embryon. C'est pas un débat sur est-ce qu'on devrait enlever le droit aux femmes de se faire avorter. C'était pour discuter du début de une espèce de questionnement éthique, c'était un débat autour de ça. Puis là, tout le monde a vu une brèche sur c'est les fous religieux qui veulent faire ça. C'est ça. Ça a sauté en fou. Tu sais, moi, ce débat-là, là, honnêtement, je suis prêt à l'avoir. Au pire, on conclura que c'est le statu quo, la réponse. On peut plus rien dire là-dessus, on dirait, au Canada, Jean-Nic. Moi, on va te dire une affaire, là. Une fille qui est rendue à 4-5 avortements, là. Moi, ça serait... Écoute bien, fille, là, il y a de quoi que t'as pas compris, là. Faut qu'un médecin y parle. Il faut qu'il se passe quelque chose après 4-5 avortements. C'est une question plate pour vous autres. Ouais. Ça nous regarde-tu, ce débat-là, nous autres? Oui. C'est un débat de femme ou c'est un débat non. où... Non, c'est un débat de père, ça. Tu penses? Écoute, moi, je pense qu'il y a un bout où faut faire le débat. Et au pire, on conclura que c'est le cas, tu comprends? Ouais. Moi, je suis capable de me faire montrer ce qui en est le big picture. Voici combien ça coûte. Voici le nombre de femmes qui font 4 avortements et plus. Parce que, tu sais, on en parle, mais on parle peut-être de la même fille tous les trois, là. Tu sais, il y en a peut-être plus. Que... Ouais, mais comment? C'est peut-être 1% de la population qui fait ça, se faire avorter, ou 0.0001, là. Tu sais, peut-être c'est des légendes urbaines. Peut-être que ça coûte pas si cher que ça, des avortements. Peut-être qu'il y en a pas tant que ça au pays. On le sait qu'il y en a beaucoup. Moi, je connais quelqu'un qui a travaillé dans une clinique d'avortement, là, pendant des années. Je t'annonce que c'est pas des excessifs. Ce qui m'énerve, c'est de placer la ligne. Tu sais, j'ai vécu des situation d'avortement qui, selon moi, c'était la chose à faire. J'ai pas aimé ça passer par là. Je pense que ça m'a marqué d'une certaine façon. Mais les deux fois, c'est arrivé deux fois. Mais gars, m'a posé une question. T'as pas le goût d'y penser avant? T'as pas le goût de prendre d'autres moyens? Des fois, c'est des choses qui arrivent. Ouais. T'as pas le goût de dire, gars, on va faire attention? Ouais, mais c'est-tu au gouvernement de me dire ça? C'est-tu au gouvernement non, de placer la ligne? C'est à toi de te le dire. Regarde, c'est facile faire ça, la morale. Puis là, il y en a qui le font en matin. La contraception, tout ça. Ouais, des fois, ça arrive pareil. Des fois, ça arrive pareil. Puis je suis content, en sacrement, quand ça arrive, qu'on puisse avoir cette alternative-là. Puis moi, personnellement, puis c'est pour ça que j'ai de la misère à rentrer dans le garde-robe puis dans les affaires du monde. Personnellement, j'ai entendu le cœur battre de mon enfant. Là, faudrait se battre avec moi à main nue pour sortir cet enfant-là puis le mettre d'une poubelle. Tu comprends-tu? Puis moi, il n'est pas question qu'un fonctionnaire joue à Dieu, là, tu sais. Autrement dit, là, si... on met des règles, puis là, le fonctionnaire, il dit, ah oh, non, toi, ma petite fille, tu vas te garder, toi, c'est beau, tu remplis les règles, toi, c'est beau, tu remplis, ah, pas toi. Non, non, ça, moi, c'est sûr qu'il n'y ait aucunement question qu'on donne le pouvoir à des fonctionnaires de décider si une fille peut se faire avorter ou pas selon telle règle. Je pense que ça reste le choix des femmes. Je pense que ça, on reviendra jamais en arrière là-dessus. Faut arrêter de capoter. Je comprends qu'il y a des gens qui ont un certain âge puis qui ont vécu sous l'Église catholique au Québec puis qui veulent le retour à l'interdiction de l'avortement. Mais malheureusement, là, c'est une idéologie qui s'en va. Puis je suis bien désolé pour les gens puis les verts et blancs puis toute cette gang-là qui le défendent. Mais c'est en train de disparaître. Puis notre génération, on est consensuel sur ça. Et je pense qu'il va falloir avancer maintenant dans le fait qu'on revient pas en arrière sur ça, mais qu'il va y avoir quand même une certaine réflexion sur des enjeux comme le nombre d'avortements sélectifs. Rich, nous a envoyé des chiffres, là, et c'est épouvantable. Et t'as raison, il faut débattre de ça. Le taux d'avortement par 100 naissances, OK? Combien d'avortements par 100 naissances? Mm-hmm. En 76, c'était 7.3. En 2011, on était rendu à 29.7. 29.7 avortements pour 100 naissances. Mais c'est-tu... Ça n'a pas de sens, c'est trop ça. La réflexion vient d'un auditeur, puis il prend le cas extrême, il dit, est-ce que quelqu'un qui manque de jugement au point de se faire avorter 6 fois est mieux de se faire avorter une autre fois ou d'avoir un enfant? Puis moi, je pose la question, à partir du moment où l'enfant n'est pas voulu, il n'est pas souhaité, il n'est pas planifié, quelle que soit la raison, est-ce qu'on est mieux de pratiquer un avortement que de laisser des enfants qui vont être négligés d'une façon ou d'une autre par des parents qui en veulent pas? Moi, je peux te dire qu'une fille qui se fait avorter 5-6 fois pourrait être une bonne mère pareille. Mais ça veut pas. Si elle veut pas. Peut-être. Ben, c'est une discussion interminable. Mais c'est ça, c'est une réflexion infinie. Ouais. Est-ce qu'on devrait... c'est son corps. Maintenant, tu dis, est-ce qu'on peut décider de l'imposer la pilule, de mettre un stérilet? Ça devient vraiment... On est rendu loin là, dans ce qu'on peut régler comme problème. Là. Puis ça va être des réflexions à y avoir, mais ça va être petit à petit qu'on va pouvoir amener des solutions à... au moins à le faire avancer ou encadrer, mettons, le droit à l'avortement. Gars, Jean-Nic, ta fille te dit, « Hey, passe, fait 4-5 fois, je me fais avorter. » Tu lui dis quoi, ta fille? Mettons, là, elle est rendue à 24-25 ans. « Hey, pas, là, je me suis fait avorter encore, ça fait 4-5 fois, puis j'ai le droit à ça. » Tu lui dis quoi, Jean-Nic? C'est évident que, comme parent, t'as un rôle d'éducation à faire. Moi, j'aurais une petite conversation Bruce Willis style, là, avec... Si elle a rendu à 4-5 fois, c'est la première fois qu'elle me le dit, puis que je m'en suis pas aperçu, elle va peut-être me poser des questions aussi sur ma présence comme père, là. Oui. Mais tu sais, il reste que c'est des débats qui sont touchés, mais je pense que notre génération va commencer à être la première assez mature pour faire des avancées dans ce débat-là, sans dire à chaque fois qu'on veut retirer le droit d'avortement aux femmes, puis de brandir l'épouvantail, qu'on est des rétrogrades. Là. Mais même si ça amène, regarde, des manques de jugement puis des avortements en série pour certaines femmes, moi, je me dis, regarde, on est d'une société de grandes personnes, de grands garçons puis de grandes filles. Là, c'est à nous autres de caler les shots. Là. J'ai un peu de misère. Regarde, vois-tu, je le représente bien, le Québécois qui a bien de la misère là à même ouvrir le débat là-dessus. Ça me rend mal à l'aise. Ben moi, en fait, je le dis bien ouvertement. Je serais prêt à l'ouvrir pour garder le statu quo. C'est aussi bizarre que ça, hein. Ouais. Mais moi, je suis heureux en ce moment. Je pense que ça va bien. Il n'y a pas de crise majeure. Puis l'avortement, c'est tout le monde est accepté, surtout notre génération. Mais je pense que je voudrais juste être capable d'en parler. Ouais, mais je voudrais raison. Juste être capable de que ce soit un sujet qu'on puisse aborder, quitte à ce qu'on dise. Bon, mais c'est parfait, tout reste on comme ça. On laisse ça même. T'as des féministes extrémistes là, qui veulent rien entendre. Là. Rien entendre. T'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de questionner ça. Puis non. Mais ça, c'est pas normal. Non, c'est pas sain. Puis je pense que ces gens-là sont en voie d'extinction. Je pense que la nouvelle génération va être capable de l'aborder. C'est quoi? Puis bien tant mieux. Je suis pas d'accord que ça regarde juste les femmes, cette affaire-là. C'est pas vrai, ça. Le père aussi a son mot à dire là-dedans. C'est bien une valeur, là. Ouais, mais là, tu vas encore parler aux gens qui ont le spectre de Jean-Guy Tremblay puis de Chantal Deck. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'il y a une grande partie du débat qui est monopolisée par des femmes dont le sous-message, ils le diront jamais ouvertement, mais ce qu'ils vont dire, c'est « Ah! T'as eu du sexe, hein? T'as eu du fun? Moi, j'en ai pas! Ben, paye! Hein? Garde-les, ton enfant! T'avais rien à y penser avant! » Ça m'énerve. Je pense qu'il y a une grande mouvance féministe en 2013 qui part de frustration de ce genre-là. Écoute, je te dirais que on peut pas mettre tout le mouvement féministe dans le même paquet. Là. Je pense qu'il y a des femmes qui sont féministes, qui sont. Mais c'est vrai qu'il y a des porte-parole au Québec qui sont encore à une espèce de mentalité syndicale de protéger là tout ce qu'ils ont en empêchant d'en discuter. C'est mauvais à la fois pour le débat et pour le féminisme. Totalement.